cours numéro 34. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله ذكر المشورة في أوقات الضرورات. Le cours précédent ذكر رحمه الله l'importance de ne pas divulguer السر, les secrets, l'importance de ne pas tout divulguer aux autres, de savoir garder des choses pour soi-même, des choses personnelles. La gravité de dévoiler les secrets des autres, de ne pas respecter Al-Aman. Thumma, dans ce chapitre, il a cité Al-Mashoura fi awqat ad-darurat. Pourquoi ? Lianna ahyanan, tu es obligé de demander conseil aux autres. Ahyanan, même si c'est une chose qui te regarde, c'est un secret, personne n'est au courant. Ahyanan, tu es obligé an tushawir ahl al-ilm. Pour leur demander conseil. Donc, ce chapitre est complète le précédent. قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر. وقال سبحانه dans l'autre verset وأمرهم شورى بينهم. Donc, المشاورة et كذلك ils disent المشورة, c'est quelque chose de مشروع. Ils traduisent par la consultation, se consulter entre croyants. Bien sûr, cette consultation kedalik avec des conditions. Tu ne consultes pas n'importe qui. C'est exactement comme les problèmes de santé. Quand tu as un problème de santé, si tu le gardes pour toi, ça peut te faire énormément de mal. Ben, ça peut être la cause que tu perdes la vie. Et si tu as un problème de santé, tu vas consulter. Même en français, ils disent consulter un médecin. Aïe, une visite, et il va regarder c'est quoi Adda. Et il va essayer de te donner Addawa. Et il va te préconiser certaines choses à faire, à ne pas faire. Al-Muhim Ma'ruf Hada. Donc, il faut consulter un médecin. Khabir bi Hada al-Marad. Qui a des connaissances. Qui peut, bi Idnillahi Azza wa Jal, t'aider. Fahakada, si tu as un problème. Tu as quelque chose qui te pèse et tu as besoin de al-mushawara, tu consultes pas n'importe qui. Et Ibn Hibban, rahimahullah, il a détaillé hada avec un kalam jamil. On lit kalam Cheikh Al-Uthaymeen, toujours fi Riyad al-Salihin, al-Imam al-Nawawi, là c'est un chapitre bab al-istikhara wal-mushawara. Vous avez remarqué que beaucoup de chapitres de Rawdat al-Uqala, on les retrouve dans Riyad al-Salihin. C'est tout à fait normal, c'est un livre sur les bons comportements. Enfin, n'importe quel livre dans les bons comportements, tu trouveras ce genre de chapitre. Là, sur le fait d'être véridique, la pudeur, al-mushawara, le fait de préserver ton honneur, le fait de garder un secret, il est akhir. Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, قال في الشرح الاستخارة مع الله والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح. Ce kalam فيه فوائد كثيرة. Pourquoi? أولا, الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, هنا il a montré qu'il y a deux choses à faire. Quand tu es touché par quelque chose, ou tu comptes faire quelque chose, donc les autres ils sont pas au courant, donc c'est une chose qui te regarde. Tu as deux cas. Al-istikhara ma Allah. Tu fais salat al-istikhara. Est-ce que cette chose, elle est bénéfique pour toi, elle est profitable pour toi? Ce point, on ne le détaillera pas. Ce n'est pas lié directement à notre dars. Le deuxième point, le fait de demander conseil, de consulter ahlul ra'i wa salah. Et des gens compétents. قال وذلك أن الإنسان لا بد له من قصور أو تقصير. والإنسان خلق ضعيفا. Ça nous montre كذلك l'importance de revenir à ceux qui sont compétents. L'être humain, il a des faiblesses, il a des manquements. Enfin, certaines choses, les garder, ça ne sert à rien. C'est pour ça que dans le dars précédent, vous avez remarqué que souvent on précisait pourquoi divulguer une chose s'il n'y a aucune hajj, s'il n'y a pas de raison, ce n'est pas profitable, tu ne vas rien gagner. Dans ce cas, ça ne sert à rien de la propager. Peut-être qu'un conseil, peut-être qu'un mot, une nasiha, ça pourra t'aider d'itten. قال فقد تشكل عليه الامور وقد يتردد فيها فماذا يصنع معنا احيانا tu sais pas est-ce que je dois faire telle chose je ne dois pas la faire est-ce que je commence par telle chose ou pas قال فقد تشكل عليه الامور وقد يتردد فيها فماذا يصنع لنفرض انه هم بسفر وتردد هل هو خير ام لا احيانا cette chose que tu as en toi c'est un voyage tu veux déménager tu veux étudier tu veux et tu sais pas trop et ça te pèse في هذا الحال في هذا الحال le fait d'en parler aux autres c'est mufid جدا خاصة ceux qui sont passés par là avant toi خاصة ceux qui ont fait cette chose avant toi خاصة ceux qui ont du علم de l'expérience قال رحمه الله أو هم يشتري سيارة أو بيت أو il va acheter une voiture ou une maison ففي هذا الحال الاستخارة c'est mufid جدا et كذلك demander conseil demander conseil peut-être que le modèle cette voiture il ne faut pas l'acheter peut-être qu'il faut attendre peut-être dans tel endroit il y a des meilleures affaires hakada cette maison peut-être que si tu demandes conseil ils vont te déconseiller l'achat de cette maison parce que le voisinage il est mauvais parce que le quartier il est mauvais ou hakada amma celui qui veut faire les choses tout seul et il mélange tout et il est touché par la paranoïa il pense qu'il ne faut rien dire dans tous les cas et il voit le mal partout ben hada rubbama yadhur nafsuhu hada il peut se faire énormément de mal قال او ان يصاهر رجلا يتزوج ابنته او ما اشبه ذلك كذلك ce point il est important الزواج اما celui qui demande pas ne consulte pas il ne se renseigne pas peut-être que هذه المراه cette sœur peut-être que elle n'est pas faite pour lui peut-être que ce mari avec elle فيه ضرر وهكذا pour les sœurs avec tel frère هذا المشاوره c'est مهم et demander النصيحة قال ولكنه متردد فماذا يصنع نقول له طريقة dans ce cas qu'est-ce que ce مؤمن doit faire la première chose استخارة رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما كان وما يكون كيف كان يكون ça c'est أنفع شيء الاستخارة tu fais صلاة استخارة et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala for Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout c'est lui qui guide les cœurs c'est lui qui facilite ça c'est la première طريق قال الطريق الثاني ثم استشاره أهل الرأي والصلاح والأمانة. Vous avez remarqué que العلماء quand ils citent الاستشارة, ils disent pas أن تستشير et ils s'arrêtent. Et tu demandes conseil ou tu consultes. Ils précisent qui أهل الرأي والصلاح والأمانة. Pas n'importe qui. Des personnes de confiance. Des personnes qui conseillent, qui sont droits, qui sont véridiques, qui vont te montrer. Et bien sûr, qui maîtrisent leur sujet. Si c'est fait din, ils ont du ilm. Si c'est fait umur ad-dunya, maintenant acheter une voiture, si tu lui demandes conseil, il a des connaissances dans ce domaine ou hakada. Chaque domaine, tu demandes à celui qui a des connaissances. Hada kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. On revient à notre livre. Qala al-imam Ibn Hibban, rahimahullah. Akhbarana al-Hasan Ibn Sufyan. Qala haddathana Abu Bakr Ibn Abi Shayba. قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا الشريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن المستشار c'est celui qui est consulté donc tu as deux personnes tu as celui qui a besoin de consulter et tu as celui qui est consulté سيأتي الكلام على الصنفين لكن on commence par l'explication du hadith. Al-mustashar mu'taman. Quand ton frère il te demande conseil, tu dois le conseiller. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال al-mustashar mu'taman. Et il te fait confiance. Il attend que tu lui dises certaines choses. Si tu lui dis des choses, il va les mettre en application. L'Ena il te demande, c'est que pour mettre en application tes conseils. Fa'fiyad al-hal fait attention de ne pas trahir al-aman. Si tu ne sais pas, dis Allahu A'lam. Si tu ne maîtrises pas le sujet, fais conseil ce frère qui t'a fait confiance à la base de demander à Ahlul Ilm. Si c'est niveau de deal, si c'est dans quelque chose de dunya, de demander des experts, des gens qui maîtrisent dans tel domaine. On fait attention à l'khiyan. Les nabardinnas, leurs frères, ils leur demandent des conseils. Et ils ne savent pas, ou ils ignorent et ils s'avancent. Et ils font beaucoup de mal. Si on prend l'exemple du mariage, qu'on vient de citer. Al-mustashar mu'taman. Ton frère, il veut se marier. Et ta'lamoun anna al-zawaj, c'est une mas'ouliya azim. C'est une mas'ouliya deux personnes qui vont vivre ensemble, Obama des enfants, deux familles qui vont avoir des liens. Ça implique énormément de choses. Si on te demande, un frère, il te demande, sur telle sœur. Al-Mustachar, si tu connais des choses, tu dois les dire. On fait attention à l'Ouara al-Muzayyifuna. Wardanas, au nom de la piété, au nom de. Non, je ne critique pas les autres, ils se taisent. Ça, c'est min al-khiyana. Si tu sais. Les Anna al-Mustachar mu'taman. Tu sais, tu peux être utile à ton frère, fait tu dois conseiller. Ad-din al-Nasiha. Enfin, si tu sais maintenant que cette sœur, elle fait telle et telle chose, elle n'est pas sérieuse, ou que sa famille, madri, mouhim des choses, tu montres au frère, il t'a demandé conseil par rapport à cette personne, tu lui dis voilà telle et telle et telle chose. Thumma, s'il veut écouter ton conseil, il doit l'écouter. Falhamdulillah, s'il ne l'écoute pas et il prend la décision de quand même de s'avancer, enfin, s'il lui arrive quelque chose, yalumanna illa nafsa. Et anta walillahil hamd, tu n'as rien à te reprocher, ni avec le frère, ni walillahil hamd par rapport à cette amana, par rapport à cette nasiha que tu as donnée. Walillahil hamd. C'est un point très très important. On a cité Az-Zawaj dans tous les domaines. قال أبو حاتم رحمه الله لا بد لصاحب السر المكاتم له على ما وصفنا أن يضيق صدره فيشتهي إذاعة ما به. Donc le lien entre ce chapitre et le chapitre précédent. لا بد أحيانا certaines choses qui sont في القلب سر من الأسرار un secret. أحيانا c'est tellement lourd que المؤمن il a besoin d'en parler. قال فإذا كان كذلك اختار إفشاءه بالاستشارة مع الدين مع الدين العاقل الودود له. Si c'est le cas, في هذا الحال شاور إخوانك. في هذا الحال demande conseil à tes frères. Consulte un haoula que Ibn Hibban, رحمة الله عليه, il a cité. قال بالاستشارة مع الدين. Ça c'est la première sifa. Tu ne demandes pas à n'importe qui. L'imam, il y en a celui qui n'est pas sérieux dans son dîn, il ne sera pas sérieux dans les autres choses. Enfin, s'il n'est pas sérieux, maintenant, fi salat, fi le fait de s'écarter du haram, etc. Enfin, comment toi tu vas consulter Hada? C'est pas une personne de confiance. Abadan. Hada awulan. Donc, quelqu'un qui est accroché à son dîn. Al-aqil. Al-aqil, c'est tout ce qu'on étudie dans ce livre. Il divulgue pas les secrets des autres, c'est pas un menteur, c'est pas un jaloux, etc. Tous les chapitres qu'on a vus et qu'on verra jusqu'à la fin. Aïe, wahed qui fait des efforts dans son dîn, et c'est un aqil, c'est pas un ta'ish. Aïe, pardon, mais il se précipite, il mélange tout. Fahaoula, mouchawaratuhum, c'est ta'b. Et ça va te rajouter que des problèmes à tes problèmes. Qal al-wadoud lahu. Al-wadoud, aïe, al-muhib. Celui qui t'aime. Celui qui t'aime, il te voudra le khir. La yu'min wahadukum hatta yuhib li akhi ma yuhib li nafsi. Surtout si cette mahabba elle est fondée sur ad-din, falhamdulillah, il pourra être utile. Amma, consulter quelqu'un qui te déteste, ça peut faire du mal. Khassatan si il a des problèmes dans son din. وهذا ولا الحمد لله لا يحصل من العقلاء قال ولا يستشير الا من وجد فيه الخصال الثلاث التي ذكرناها. Donc ne pas consulter que ceux qui ont ces trois caractéristiques الدين والعقل والمحبة. قال فانه ان لم يكن دينا خانه. Si tu consultes quelqu'un qui n'est pas accroché à son دين, il peut te trahir à tout moment. لماذا لانه اصلا لا يخاف الله. Il trahit les croyants nuit et jour. Bel, il n'obéit pas Allah subhanahu wa ta'ala au messager alayhi salatu salam. Fa kayfa tu vas lui faire confiance. Fa hadha rubbama yakhunuk fi aqrab waqt. Dès qu'il peut te trahir, il te trahira. Qal wa in lam yakun aqilan akhta'a mawdi' al-isaba. S'il ne fait pas partie de l'uqala. Maintenant, il n'a pas d'expérience, il se précipite, il veut parler dans tout. Fa hadha peut-être qu'il va se tromper. Et on doit faire attention. On ne doit pas consulter tout le monde. Tu ne consultes pas forcément celui qui t'est proche. Il peut être proche, lakin, il a des faiblesses, il ne connaît pas le sujet. Là, tu consultes celui qui est compétent. Celui qui est compétent, et tu lui demandes, bi idnillahi azza wa jalla, sta'sul ala fa'ida. Qala, wa in lam yakun wadan, rubbama lam yansahu. Non, s'il t'aime pas, rubbama il ne voudra pas te conseiller. Fahada, c'est wadih. ثم قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيق قال حدثنا الهيثم بن عبيد الصيد قال حدثنا أبي عن الحسن قال الناس ثلاثة رجل تام ورجل نصف رجل ورجل لا شيء. الحسن رحمه الله إلى ديفيزي لي جون تخوا كاتيغوري. رجل تام, un homme complet, ou rajul nisf rajul, la moitié d'un homme, ou rajul la shay, et un homme qui ne vaut rien. قال فاما التام فله تجربه ولا يدع المشوره في الامر. اما l'homme complet, c'est celui qui a de l'expérience et la يدع المشوره, et il ne délaisse pas la consultation. Quand il a besoin, il consulte. Et quand on le consulte et il peut donner un avis, un conseil, il le fait. قال واما النصف فرجل له رأي ولا يقطع أمرا حتى يشاور. نعم له رأي. أما l'autre, لعل la différence entre le premier cas et le deuxième cas, c'est l'expérience. قال dans le premier فله تجربة, et dans le deuxième له رأي, il a des avis. أما le premier il a de l'expérience, et là chacun a l'expérience, c'est beaucoup plus fort. قال وأما الذي ليس بشيء فرجل ليس له رأي ولا يشاور أحد ولا يشاور أحد. فهذا لا شك أنه il peut se faire du mal. Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'ilm. Il n'a pas de connaissance. Et كذلك il ne demande pas, il ne consulte pas les autres. فهذا comment il va faire? Probablement il va vouloir acheter une chose, il va se tromper. Ça va être inutile. Il va vouloir voyager, il va se tromper, il va se faire du mal. Il va vouloir se marier, ça va pas marcher. وهكذا. قال وأنشدني الأبرش. إذا الأمر أشكل إقباله ولم ترى فيه سبيلا فسيحا فشاور بأمرك في ستره أخاك الشفيق الأريب النصيحة. Quand tu es dans une situation et tu ne sais pas quoi faire, قال فشاور بأمرك في ستره أخاك الشفيق الأريب النصيحة. Dans ce cas, consulte ton frère, الشفيق, celui qui veut ton bien. Al-arib al-nasih, celui qui a du ilm, celui qui a des compétences, celui qui peut te conseiller. قال ولا تفش سرك إلا إليه فإن لكل نصيح نصيحة. كذلك نعم. Dans ce cas, et c'est directement lié au chapitre précédent, tu n'as pas besoin de parler à tout le monde. Là, il y en a parlé à tout le monde, تقدم معنا, ça peut faire du mal. Là, tu choisis un qui a des connaissances, qui est compétent, qui est connu pour al-nasih, qui maîtrise son sujet. بإذن الله عز وجل ستستفيد. قال رحمه الله والواجب على العاقل السالك سبيل ذوي الحجة. ذوي الحجة on répète طريق العقلاء. ذوي الحجة c'est العقلاء. أن يعلم أن المشاورة تفشي الأسرار فلا يستشير إلا اللبيب الناصح الودود الفاضل في دينه. أن يعلم أن المشاورة تفشي الأسرار. Quand tu consultes quelqu'un, tu lui demandes conseil, tu veux lui parler de tes problèmes, tu lui as divulgué ton sir, ton secret. Donc fais attention, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Bardanas, leur divulguer ton secret ou ton projet, ça peut faire énormément de mal. Fafiyadalhal, al-ulama, ils insistent. Tu vas demander à qui, tu vas consulter qui. Qala, illa al-labib, al-nasih, al-wadud, al-fadil fi dini. Toujours les mêmes caractéristiques qui reviennent. Il est sérieux dans son din. C'est pas un haqid, un hasid. Tu sais qu'il veut ton bien. Et kadhalik, il maîtrise son sujet. C'est un nasih. Qala, wa irshadul mushir, al-mustashir, qada'u haqq, al-ni'ma fi al-ra'y, wal-mashuratu la takhlu min al-barakati, idha kana ma'am mitl ma wasafna na'dah. Al-mashura ou al-mushawara, si tu consultes les gens que Ibn Hibban, rahimahullah, il a cité, et les gens compétents qui sont sérieux dans leur routine, أبشر أنه يغاد البركة يغاد الخير. Pourquoi? لأن الله عز وجل répète le verset قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. Ça c'est أمر المشروع. المشاورة بين الإخوان. Le fait de se consulter c'est quelque chose de مشروع. بل الله سبحانه وتعالى أمر به وشاورهم في الأمر. Consulte-les. Donc ça nous montre que dans cette consultation, il y a du khayr. Là, on le répète, n'ait aucun doute, si la consultation elle est faite, fillah azza wa jal, et avec ilm, et avec réflexion, etc., n'ait aucun doute, il n'y aura que du khayr pour toi. Là, al-mushkila, c'est le fait de consulter ceux qui ne sont pas aptes. Consulter al-juhal. C'est ça, al-mushkila. Ils ont consulté dans des points et ils étaient et wallah, si tu suis leur nasiha, ça te fait énormément de mal. Mais c'est pour ça qu'on fait attention, encore plus à notre époque. Et à notre époque, beaucoup de gens ne savent pas maîtriser, ne savent pas retenir leur langue. Tu parles de, ou plutôt quand ça parle de politique, c'est des experts. Quand ça parle de tout ce qui est lié à la mécanique, automobile, etc., c'est des experts. En ce moment, ça parle beaucoup sanitaire, épidémie, pandémie, là, après, virus, vaccin, c'est des experts. Ça parle de din, c'est des ulama. Et là, après, dès que tu vois hadha sim, i'lam annahum, probablement, ils ne maîtrisent aucun de ces sujets. Il y en a celui qui pense tout maîtriser et qui s'avance dans tout. En général, il ne maîtrise pas grand-chose. Amma, celui qui maîtrise un sujet, tu le trouveras en général. Il préserve sa langue dans les autres. Il connaît la valeur de l'ilm. Même si c'est la dunya, même si c'est quelque chose de ce bas monde. Il connaît la valeur de faire des efforts. Il connaît la valeur de, maintenant, d'avoir un professeur, d'avoir fait des efforts. Donc, le fait de parler sans science, cette catégorie, en général, il s'écarte. On fait attention. Al-Juhal, il rentre dans des choses et tu les entends parler qu'annahum, ils savent tout. Et quand tu viens à vérifier, Wallahi ba'dhum, ils ont du mal à écrire et tu les trouves, ils parlent dans des choses qui concernent la médecine, des choses très très graves. Yatakallamun laylan wa nahara. Qala rahimahullah, il a rapporté la parole de Al-Hassan. Qala Al-Hassan rahimahullah, ma hazaba qawman qat amrun. Qala fil hashiya ma hazaba ishtad alayhim wa shaq. Et quand un qawm ils sont en difficulté, dans une situation délicate, فَاجْتَمْعُوا فَتَشَوَرُوا فِيهِ إِلَّا أَرْشَدَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى لِأَصْوَبِهِ. Si un groupe de mu'mines, de croyants, ils sont touchés par une chose, ils sont dans une situation délicate, فَيَتَشَوَرُونَ, et ils craignent Allah. Et هذا مثلا, il a une expérience, il donne son expérience. هذا, il a du ilm, il parle bi ilm. هذا, il ne sait pas, il se tait, وَيَتَعَوَنُونَ, tu trouveras énormément de khayr. En général, comme a dit Al-Hassan, ils seront guidés et la sawab. Ils arriveront à trouver la vérité. قال وانشدني الكريزي فدبر اذا ما رمت امرا بفكره لتعلم ما تاتي وما تتجنب وشاور التقي الراي عند التباسه لكي يضح الامر الذي هو اصوب. Ça ça nous montre que Al-Mushawara, c'est quand tu ne sais pas. Amma tu sais, walillahi alhamd. Mathalan, wahad, il a décidé d'aller au Hajj. Il a des économies, il a de l'argent pour aller au Hajj. Il n'a jamais fait le Hajj, c'est une obligation. Il n'y a que du khayr, va au Hajj. Tawakkil ala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amrak. Amma, trop consulter quand c'est inutile, robama, tu vas parler, il va te dire non, mais attends, mais si, kada, il a akhiri. On n'a pas besoin dans des choses de mouchawara. Lakin, s'il y a un besoin, quand il y a un iltibas, tu ne sais pas le pour, le contre, les conséquences, qu'est-ce que c'est pour toi, contre toi, il a akhir. Fafiyad al-hal, demande. Qal, likay yadhiha, yadhar, al-amr, alladhi huwa aswabu. Et afin que apparaisse la vérité. أي ce que tu dois faire. قال وأنشد المنتصر بن بلال لا تسبقن الناس بالرأي والتأد فإنك إن تعجل إلى القول تزلل. نصيحة طيبة. Fais attention à la précipitation. خاصة quand c'est une mouchawara entre plusieurs. On fait attention de ne pas vouloir se montrer, de faut que la solution elle vienne absolument de nous. Là, on doit craindre Allah Azza wa Jal. وَلَا تَسْبِقَنَّ النَّاسَ بِالرَّأْيِ وَالتَّأْدِ أي التُؤْدَى السَّكِينَة. Laisse toujours un peu de place, une marge de sécurité. Au lieu de te précipiter, Thomas, on s'aperçoit que tu t'es trompé. Là, fais attention. Surtout, si tu sais que quelqu'un qui a plus d'expérience, plus de science, il peut parler, retiens ta langue. Sauf bien sûr si tu as un haq, tu as un kalam qui est fondé sur une science et tu veux conseiller là, alhamdulillah, là qu'il fait attention à la précipitation. قال فإنك إن تعجل إلى القول تزلل. تزلل, ça vient du mot الزلل. Ou الزلة, c'est le fait de glisser. Fais attention de ne pas glisser. Ceux qui se précipitent, ils peuvent glisser. Regarde, ceux qui se précipitent en donnant leurs avis, peuvent être une cause de zelal, de glisser ou faire glisser un autre. قال ولكن تصفح رأي من كان حاضرا. Lakin, écoute les avis des autres. Mouchawara, maintenant on a un projet, on veut faire telle chose. Écoute. Wahad, il va dire telle chose, Wahad, il va dire telle chose. Peut-être que tu pensais, tu avais mal compris en écoutant les autres. Ça va être plus clair. Enfin, ne te précipite pas. As-sakina, c'est un khuluq azim. Le calme. Ne pas se précipiter. Qal wa qul ba'dahum raslan wa bil haqq fa'amali. Et quand tu sais que, walillahi alhamd, ils ont parlé bi haqq, et la vérité, elle est claire, et on n'a plus aucun doute. Tu leur dis, je suis avec vous, avancez, je suis ma'akoum. Et alhamdoulilah, vous vous entraidez ala al-haq. Thumma qala rahimahullah, wa man istushira falyushir bin nasiha, wal yajtahid bin ra'i, wal yalzam al-haq wa qasd al-sabil. Si c'est toi qui es consulté, donc on répète, il y a celui qui consulte. On résume, Anna, tu dois demander, tu dois revenir à des gens compétents, des gens qui sont accrochés à leur dîn, etc. Ça, c'est le premier cas. Et tu as celui qui est consulté. Enfin, si tu es celui qui est consulté, fa crains Allah, Azza wa Jal. Al-mustashar mu'taman, hakada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme un dépôt qui te confie. C'est comme si quelqu'un il te dit, Matalan, tu peux surveiller mon enfant pendant une journée, pendant une heure, c'est une amana azim. Tu dois faire attention. Si tu peux pas, retire-toi dès le début. Tu dis, là, je peux pas. Ou il te confie, il te dit, tu me gardes ma voiture, tu me gardes telle somme d'argent. Fafiyad, c'est une amana azim. Fama celui qui va te demander un conseil, ou il va te consulter maintenant pour al-hijra, ou pour le mariage, ou pour autre chose, ou pour talab al-ilm. On doit craindre Allah, ne pas se précipiter. Comme minan-nas, wallahi, une nasiha, une phrase, elle leur a fait beaucoup de mal. Aïe, wahad, il se précipite, il leur dit, fais telle chose, on ne fait pas telle chose. Thomas, ça leur fait énormément de mal. Limada li annahu, c'est pas basé sur l'ilm. Man kana yu'minu billah, wal yawm al-akhir, falyakul khayran aw yasmut. Hadithun azim. Et c'est une base dans le comportement, dans les bons comportements. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et au jour dernier, il m'a dit du bien, et s'il ne veut pas dire de bien, qu'il se taise. Muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Chaque parole, musajjala alayk. Tout ce que tu dis, c'est enregistré. Ma yalfidhu min qawl, illa ladayhi raqibun atid. Hakada qala azza wa jalla. Ma min qawl, c'est enregistré par des anges. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, il leur a donné cette mission de tout enregistrer. فقال ومن استشير فليشر بالنصيحة. Si on te demande conseil, si on te consulte plutôt, fa conseil. Et la nasiha doit être fondée sur quoi? Sur l'ilm. قال وليجتهد بالرأي. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Regarde. مثلا من المهم هنا, c'est avant de parler de bien connaître, de bien avoir saisi la situation. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هكذا يقول أهل العلم. Tu veux juger une chose, tu dois déjà concevoir cette chose pour savoir si elle est bénéfique ou là. Enfin, un frère va te consulter, ne te précipite pas. Regarde et vérifie bien, est-ce que tu as compris ce qu'il veut? Une fois que tu as compris, si tu as de la science, etc., alhamdoulilah, conseille ton frère. قال وليلزم الحق وقصد السبيل. كذلك fais attention aux sentiments. Ahyanan, ça peut être une consultation si on revient au mariage. Matalan, il te demande sur une femme, une sœur. Et cette sœur, tu la connais. Peut-être c'est ta cousine, peut-être c'est ta voisine, peut-être que c'est encore plus proche. Mouhim, fais attention. Fais attention aux sentiments. Les annahu, il te demande et il veut savoir est-ce que cette femme, elle est saliha pour lui. Enfin, si, même si tu la connais et tu sais que cette femme avec cet homme, c'est pas adapté, ou cette femme, elle fait telle chose. Maintenant, elle a beaucoup de faiblesses, elle fait des péchés, ce frère, il patientera pas sur ces choses. Enfin, conseille ton frère, bilhaq. Fais attention, al-khiyana, si on fait rentrer les sentiments et on cite que les côtés positifs, alors qu'on sait qu'il y a énormément de négatifs et on sait que ces points négatifs, ça va causer des troubles et des problèmes. Comme ça arrive souvent. Comme ils ont demandé conseil à certains pour le mariage et ils leur ont pas tout dit. Comment ça a fini en divorce? Alors qu'au départ, ça aurait été clair, alhamdulillah. On fait attention aux sentiments. Dans ce cas-là, il n'y a pas de médisance. Là, c'est un mot qu'il te bien parle. Bishar bihaq. Maintenant, cette sœur, elle fait telle chose. Oh, kadalik, si la sœur, elle demande pour un frère, ce frère, il fait telle chose. Enfin, on dit, il fait telle chose. Combien de couples, ils se sont mariés et avec le temps, une semaine, deux semaines, un mois, ils s'aperçoivent que, en fait, un tel, il est même pas sérieux dans le salat. Ahyanan, il fait pas salat. Na'oudou billah. Ça, c'est un aïb kabir. Alors que les proches, ils le savaient. Et certains qui ont été consultés, ils le savaient. Lakin, ils ont rien dit. Si cette sœur, Badalan, elle aurait su que ce frère, Ahyanan, il abandonne la salat, elle n'aurait jamais accepté. Fallihada, on fait attention, c'est une amana azim. Si tu peux pas, tu sens que t'as des faiblesses, tu dis, Anna, demande à quelqu'un d'autre, c'est mieux. Wa kharrij nafsak. Au moins, alhamdoulilah, même si tu l'as pas aidé, au moins tu n'es pas nuisible pour lui. Qala, وليجعل المستشير كنفسه. وليجعل المستشير كنفسه. Ça, c'est important. Dans tous les comportements, tu te mets à la place. Toi, quand tu t'es marié et quand tu as demandé, enfin, bien sûr que tu voulais qu'on te dise tout. Fahakada, il te demande, dis-lui tout. Dans n'importe quelle chose. Dans n'importe quelle chose, si tu te mets à la place de l'autre, c'est moufi jiddan. Faliyati ila nas ma yuhib an yuta ilayhi. Hakada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que tu donnes aux autres ce que tu aimes qu'on te donne. Qala bi tark al-khiyana wa badl an-nasiha. Délaisser al-khiyana, la traîtrise, et conseiller et montrer la vérité et être clair. On fait attention kadalik inda al-mushawara, de ne pas être clair. Les Nabardanas, ils savent que s'ils disent certains mots, ça va repousser. Et ils essayent de, là, être clair et véridique. C'est anfa'. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dans Sharh Riyad al-Salihin, il a cité un mithal. Il a cité un exemple qu'on peut lire. Par rapport à Qawluhu al-Mustashar Mu'taman. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكذلك لو جاء إنسان يستشير قال أطلب العلم عند فلان مثال طيب. On a cité l'exemple du mariage, on a cité l'exemple l'achat d'une maison, d'une voiture, etc. Un exemple في طلب العلم. Si واحد مثلا il te demande أطلب العلم عند فلان, est-ce que je peux étudier chez un tel? Donc, al-mustashar mu'taman, c'est une question azima. Si tu lui dis oui, alors que c'est un égaré, enfin, ça peut avoir des conséquences très très graves et ça sera toi le responsable et tu auras des comptes à rendre au Qiyama si ce frère il s'égare. Si, kadalik, c'était un énorme bien pour lui et ce shir ou ce talib ilm, c'est un souni ala haq, tu l'écartes, kadalik, tu seras interrogé au Qiyama. Donc cet exemple est tayyib, l'imada, l'ayana, il montre l'importance de la responsabilité. C'est pour ça, on le répète, tu as des doutes, il dit Allahu alam, ne te prononce pas. Ne te prononce pas, il conseille, il demande à un autre. Peut-être qu'il va tomber sur un autre qui va lui parler bi'ilm. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, il a cité cette question. Atlubu al-ilm 'inda fulan wa anta ta'lam anna fulanan dhu manhajin munharif. Et anta, tu sais que c'est un égaré. Il a des afkar de ikhwan, il a des afkar de khawad, il a du tasahul, il a du tamayyu', il penche vers tel groupe, telle secte. قال فلا حرج عليك ان تقول له لا تطلب العلم عنده بل سي واجب في هذا الحال لكن شيخ ابن عثيمين الذي لا حرج pour montrer que c'est pas من النميمه. Pourquoi il y en a ce chapitre c'est dans lequel j'ai pris cette parole, je vérifie, c'est sur النميمه, c'est sur la médisance. فشيخ ابن عثيمين هنا يمونتر ان هذا ça fait pas partie de la médisance. فلهذا قال لا حرج, hey, ça fait pas partie de la médisance, parle, بل c'est si tu as le haq, c'est wajib alayk de lui montrer. Fi hadha al-hal. Qala fala haraj alayk an taqul la la tatlub al-ilm 'indah. Mithl an yakun fi 'aqidatihi shay' aw fi fikrihi shay' aw fi manhajihi shay' wa takhsha an yu'athir 'ala hadha alladhi ja'ak yastashiruk. Tu sais qu'il a des problèmes de aqida. Tu sais qu'il a des tendances dégarées. Wa huwa yastashiruk. Il est venu te demander, te consulter. ففي هذا الحال rappelle toi du hadith du prophète عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن. Il t'a fait confiance, c'est comme une amana, fa ne le trahis pas. Crains Allah Azza wa Jal. On a cité des exemples قبل قليل sur maison, voiture ou telle chose, des choses de dunya. Avec la gravité, ça reste des choses de dunya. Si c'est trompé matalan ou de ta faute ou de la faute d'un autre, il a acheté une mauvaise voiture ou l'amr sahl yahtasib. Cet argent lui rendra yom al-qiyamah, il achètera une autre voiture. Et ça s'arrêtera là. Lakin al-havr min al-khiyana wal-rish par rapport au din, par rapport à l'aqid. Maintenant, ce frère, yadam billah, ça devient soufi, ça devient tabliri, ça devient khwani, ça devient khariji, à cause d'un conseil. Eh oui, tu peux aller étudier, écoute ce shur, il l'écoute et ça devient de ses élèves, ou yinharif. Qala, rahimahullah, wa takhsha an yu'athir ala hadha alladhi ja'ak يستشيرك ويطلب العلم عنده أم لا وجب عليك أن تبين له. نعم هنا إلى سيت الحكم وديبار الذي لا حرج pour montrer que c'est pas de la médisance. ثم رحمه الله هنا إلى سيت الحكم وجب عليك, c'est une obligation. تقول لا تطلب العلم عند هذا. Ça c'est من النصيحة يا إخوان. Fais attention de ne pas se faire toucher, atteindre par داء التمييع والانحراف. Il faut parler sur personne. Le bon comportement, c'est de se taire. On doit s'occuper de nous-mêmes. Ihdharu min hada. Les salafs, ils n'étaient pas comme ça. Abadan. An-nasiha wa al-mushawara entre nous. L'essentiel, c'est de parler bihaq. Celui qui met en garde, il s'est un délit. C'est ça qu'on demande. Naam. Que ça soit contre nous ou contre... L'essentiel, il y a un délit. S'il y a un délit, le délit, il passe avant tout le monde. Celui qui accepte ou qui n'accepte pas, ça lui fait plaisir ou ça ne lui fait pas plaisir, c'est pas la question. Hada seul. Din Allah Azza wa Jal, il passe avant. On doit s'habituer à hada et on fait attention aux sentiments. Il y en a marre de nez à cause des sentiments. Même ça, ils n'arrivent pas. Là, il ne faut pas le blesser. Là, il faut que la parole d'Allah Azza wa Jal, elle soit élevée. Celui qui est blessé, là, c'est pas, ça ne nous revient pas à nous. C'est pas notre responsabilité. Hada. L'essentiel, on le rappelle, parler بحق وبعلم. قال رحمه الله قال لا تطلب العلم عند هذا هذا فيه كذا وفيه كذا من العيوب. Ça montre que on doit parler بعلم. مثلا si on dit que c'est un ikhwani, on montre pourquoi. Si on dit que c'est un hizbi, on montre pourquoi. Si on dit que c'est un tabliri, on montre pourquoi. Si on dit que c'est il fait partie de الخوارج, un khariji, on montre pourquoi وهكذا. قال والأمثلة على هذا كثيرة والمهم أنه إذا كان ذكرك نعم نعم أنه إذا كان ذكرك أخاك بما يكره نعم ذكرك أنه إذا كان ذكرك أخاك بما يكره من أجل النصيحة فلا بس إلى آخره. أي ثم إلى répliqué à ceux qui disent que si tu fais une nasiha pour eux c'est de la médisance وهذا ولله الحمد. On l'a déjà cité plusieurs fois et c'est pas notre sujet, donc نكتفي بهذا. La parole de Cheikh Ibn Uthaymin, شرح رياض الصالحين, le dernier مجلد. نعم كأنه سان شابتر سور لا ميديزونس. اون فيني. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المنذر قال حدثنا احمد بن خالد السيرفي قال حدثنا شيبان قال حدثنا ابو الاشهب قال قال الحسن لا يندم من شاور مرشدا. هذا كلام جميل. لا يندم, celui qui consulte, qui demande conseil, il ne regrettera jamais. Celui qui regrette, c'est celui qui se précipite. Celui qui regrette, c'est celui qui fonce. Celui qui regrette, c'est celui qui croit tout savoir, seulement il se fait énormément de mal. Mais celui qui consulte, tu regretteras jamais. Même si ça se passe mal, ça peut arriver. Même si ça se passe mal, alhamdoulilah, tu as fait les causes. Ça se passe mal, tu as fait les causes et qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل إذا استشير قوم هو فيهم أن يكون آخر من يشير لأنه أمكن من الفكر وأبعد من الزلل. هذه سن فائدة طيبة. Si مثلا واحد il consulte un groupe مثلا 4-5 frères et un tas, tu fais partie de ces frères, fais tout pour être le dernier à parler. صحيح. لأن ربما ستستفيد. Peut-être que dans l'assise il y a quelqu'un ou plusieurs qui ont plus de science que toi. Enfin, attends, Robama, ce qu'ils vont dire, ça va être suffisant. Alhamdulillah, anta, tu préserves ta langue. Hada tayyib. Lakin, si tu as un haqq et tu as du ilm et tu peux montrer, fa fi hada al-hal, tata'awun ma'a ikhwanik et tu montres. Qala, wa aqrab min al-hazm wa aslam min al-saqat wa man istashara. فلينفذ الحزم بأن لا يستشير عاجزا هذا تقدم كما أن الحازم لا يستعين كسلانا وفي الاستشارة عين من الهداية نعم سين كوز دو غيدي ومن شاور لم يعدم رشدا هذا تقدم celui qui consulte qui demande conseil بإذن الله عز وجل ça va lui être profitable ومن ترك المشاورة لم يعدم غيا ولا يندم من شاور مرشدا كما تقدم ثم قال رحمه الله إلى عبقت عن ابن وهب عن إبراهيم ابن نشيط عن ابن أبي حسين قال كان يقال ما هلك مرؤ عن مشورة ولا سعد بتوحد كلام جميل أي celui qui consulte qui demande conseil ça ne lui fera aucun mal ça peut être que profitable pour lui ولا سعد بتوحد on fait attention à هذا التوحد le fait de s'isoler faire les choses tout seul. Khassatan fi bab al-ilm. Celui qui s'isole, il y délivre tout seul. Même les doros, il y a ikhwan, c'est pas suffisant. Khassatan si les doros ne sont pas écoutés dans l'ordre du début à la fin. Ba'd-nas, on vit à une époque, on a qalil, celui qui écoute tous les doros du début à la fin. Farobama, il écoute une partie, alors que d'autres points, ils détaillent, ils expliquent ce point. Et huwa, vu qu'il est toujours tout seul, il est isolé. Il prend pas l'ilm auprès des autres, là il peut se faire beaucoup de mal. Regarde dans les choses de dunya. Il veut matelan l'exemple qu'on a donné, acheter une voiture, se marier, acheter une maison, il demande à personne. Il va tout seul et Obama, il se retrouve dans des situations très très délicates. Fal mushawara fiha khair. C'est min bab qawli Allah azza wa jalla wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa. S'entraider dans le bien. À ne pas tout mélanger. C'est pour ça que ce chapitre et complète le chapitre précédent. قال أبو حاتم رحمه الله إن من شيم العاقل عند النائبة تنوبه أن يشاور عاقلا ناصحا ذا رأي ثم يطيعه. نعم سي سلحق. Donc quand l'insan il est touché par نائبة تنوبه نائبة نائبة c'est il est touché par quelque chose une situation précise أنه il a besoin de conseils فهذا il demande conseil il consulte les autres. قالوا ليعترف للحق عند المشورة ولا يتمادى في الباطل بل يقبل الحق ممن جاء به ولا يحقر الرأي الجليل إذا أتاه الرأي الحقير أي نعم هذا c'est important كذلك si ton frère t'a conseillé tu l'as consulté et ses conseils ont été bénéfiques فلا يجوز إنكار المعروف et ne pas reconnaître الخير لأهل الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Il va reconnaître le haqq de hadha an-nasih. Walau bil kalam at-tayyib, walau bi ad-du'a lah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal man fa'ala ou man amila ma'roufan fakafi'uha ou kama qal Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a été profitable pour vous, qui vous a fait un bien, fakafi'uha. Et redonnez-lui, donnez-lui du khayr. On finit avec une fa'ida de Ibn al-Hajj al-Maliki, rahimahullah. Il a dit « الجمع بين الاستخارة والاستشارة من كمال امتثال السنة » Comme on a commencé, on termine ce chapitre. Le fait de regrouper entre l'istikhara, istikhara c'est connu, la salade de consultation, une salade bien précise, avec un dhikr bien précis à dire, une dua bien précise, ça c'est l'istikhara qu'on n'a pas détaillé ici. فالجمع entre الاستخارة والاستشارة et consulter ses frères, c'est très très profitable. لماذا؟ لأن ces deux points ils sont cités dans le Coran et dans le Sunna. قال من كمان امتثال السنة فينبغي للمكلف أن لا يقتصر على إحداهما. Ça c'est une faïda. Alors on n'a pas négligé une des deux, on fait les deux. Tu veux te marier maintenant? Tu fais salat l'istikhara, est-ce que c'est un bien pour toi? Et consulte tes frères. Fais cette stavid, nour à la nour. Et tu as fait des causes énormes pour, alhamdulillah, que ça soit bénéfique pour toi. Hakada, celui qui va acheter une maison, hakada, celui qui veut, il veut voyager. Qala wal istikharatu wal istisharatu bi tark, na'am, barakatuhuma zahira, bayina. Énormément de baraka, énormément de bien dans ces deux choses, l'istikhara ou l'istishara. لما تقدم من امتثال السنة والخروج عما يقع في النفوس من الهواجس والوساوس وهي كثيرة متعددة. Et كذلك الاستخارة والمشاورة c'est une cause pour fermer les portes de الوسوسة. الوساوس أحيانا tu vas faire une chose et tu as des وساوس. Tu ne sais pas est-ce qu'il faut, tu n'es pas sûr. Thumma shaytan, adou Allah, Rabbama, il en profite pour te mettre des doutes. Enfin, pour écarter ces insufflations de shaytan, c'est d'appliquer sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Salat al-istikhara quand on a des doutes et al-mushawara quand on n'est pas sûr. Et on le répète, had al-bab, c'est quand tu n'es pas sûr. Mais une chose qui est obligatoire, tu dois faire salat, tu dois faire siyam, tu dois aller au hajj. Tu veux étudier la science chez un savant de la sunna, il n'y a aucun doute. Falhamdulillah, avance. Tawakkal ala Allah. Mais si tu as des doutes ou tu n'es pas sûr, hadhal bab, avec le précédent, on espère qu'ils ont été très très profitables. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. An aktafi bihada. Et le prochain cours, donc, jeudi à la même heure, incha'Allah ta'ala. Hayyakumullah. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته